Elle mange à toutes les gamelles. Comme bon lui chante, ne peut résister à l'appel de ceux qui l'attendent. Oh, oh, Ophélie s'affole. La vue d'un matou la rend comme folle. Elle se pelotonne, se frotte et ronronne de bonheur. Elle aime qu'on la dorlote, ça lui fait chaud au cœur. Oh, oh, Ophélie raffole quand on la touche, quand on la cajole. Caresse ou repas à la clé, elle se love, elle s'étire dans le sens du poil, faut brosser pour la voir s'alanguir. Oh, oh, Ophélie décolle. Les vapeurs d'alcool la déboussolent. Mais si jamais tu la mets en boule, toute griffe dehors, elle te monte des plans pas cool à en perdre le nord. Oh, oh, Ophélie feule, attention de ne pas t'en prendre plein la gueule. Ophélie, reine des capricieuses, n'en fait qu'à sa tête, elle boude, fait sa bêcheuse, quoi qu'on lui promette. Oh, oh, Ophélie, fais-le, ou bien ne fais pas, va, fais comme tu veux. Comme tu veux. Comme tu veux.